Danny Veilleux, le plus récent bulletin d'information de sport local et régional. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant de cette transaction majeure hier qui est survenue entre les Saguenay de Chicoutimi, le Titan de Cody Batters. Les Saguenay qui cèdent l'attaquant russe German Rutsov qui a marqué 3 buts, 8 passes en 11 matchs avec les Sags. Également, un choix de deuxième ronde va également à Batters. En retour, Yannick Jean a obtenu le gros attaquant de 6 pieds 2 pouces, 210 livres. Vladimir Kucherov, qui a compté 30 buts l'an dernier avec le Titan d'Acadie Batters. L'espoir, Christian Farmer, et des choix au repêchage de 2020, soit première, deuxième et troisième ronde. Sur les ondes de CKJ hier, à l'émission dans le vestiaire, Yannick Jean a mentionné que cette transaction les pourparlers pour cette transaction ont débuté cet été. Depuis cet été, par contre, il y avait plein de facteurs. Le fait que est-ce que Rupsa va être de retour premièrement dans le junior. Mm-hmm. Deuxième des choses, est-ce que Kuznetsov aurait pu revenir là, en début de saison tôt chez Titan? C'est plein de choses là, de ce côté-là qui ont fait en sorte qu'il y avait des discussions, mais c'est les discussions n'étaient pas nécessairement concrètes là, pour le moment présent. Tu n'as déjà mentionné que les Saguenay n'étaient pas nécessairement vendeurs d'ici les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines? Ben, dans les prochaines semaines, pas nécessairement. Je pense qu'il fallait commencer par faire une transaction pour améliorer la profondeur de notre organisation à long terme, à moyen terme et à long terme. On est allé chercher beaucoup de choses là-dedans qui nous convient. On a amélioré notre club l'an dernier à la période des transactions, puis juste échanger Rupsov, ça nous permettait de récupérer là, en majeure partie. Il a déjà mentionné que German Rutsov semblait un joueur en attente avec les Saguenay depuis le début de l'année. Je pense par contre qu'il va avoir de meilleurs moments lorsqu'il va arriver là-bas. On sait là, comment il avait été lorsqu'il avait joué ici l'an dernier, là, aux côtés de Nicolas Roy et aux côtés de Joey Ratel. Je pense que le fait de s'en aller à Batters, là, de jouer avec des joueurs différemment, un peu comme des joueurs qu'il y avait ici l'an dernier. Je pense que ça va être bénéfique pour lui. Mais, tu sais, il avait l'air d'un joueur qui était en attente de quelque chose de se produire. Il avait peut-être des doutes par rapport à son futur, mais, tu sais, on est convaincu quand même là, qu'il va aider le Titan. German Rupsov est échangé. Aussi, les questions des Saguenay de Chicoutimi. Il y aura quelques joueurs qui seront disponibles à Dolbeau-Mistassini le 5 novembre à 15h à l'aréna du secteur de Dolbeau pour patiner avec les jeunes et également les adultes. Les joueurs seront disponibles après la pratique pour une séance d'autographes et de photos. Donc, le hockey mineur qui invite toute la population à participer en grand nombre à cette activité. Parlons maintenant des Marquis de Jonquin. Les Marquis qui connaissent un début de saison quand même chancelant selon le haut dire du propriétaire Marc Boivin. Sur les ondes de danradiosport.com, hier, Marc Boivin a mis un peu la faute sur le calendrier. Les Marquis jouent peu de matchs en ce début de saison, et ce qui pourrait être la cause de ce départ chancelant. Ce calendrier est spécial aussi. Hein, on ne pratique pas vraiment. Hein, me dire les autres. C'est d'autres Rivières du Loup ne pratiquent pas. Par contre, les Rivières du Loup sont bien partis. On a cette semaine, on a encore un calendrier, ce qu'on voulait gagner un match. L'autre semaine, deux. L'autre semaine, encore après, vous ça. Je pense qu'on va prendre notre air d'aller. Plus, je dirais 20 fin novembre, mais qu'on se mette à jouer deux matchs par semaine, là, ça va se replacer. Okay. Écoute, statistiquement, ça fait 5-6 ans qu'on est meilleur en pitié dans la ligue, là, on est dénormé. Pas normal, mais c'est même voir, c'est la même affaire, c'est pas se poser. Moi, j'ai bien confiance, j'ai pas confiance, extrêmement confiance, ça va se replacer. C'est une question de temps, un petit peu, mais par contre, on est dans le peloton de tête encore. Puis, ben, c'est ça, n'importe quoi. Dans un deuxième temps, Marc Boivin se réjouit de l'acquisition de Philippe Paradis. Écoute, c'est un gars qui a tout qu'un bagage, donc c'est bien certain. Tout ton père, c'est une idée, c'est clair. Okay. C'est un petit bout qui n'a pas joué. On va le laisser s'adapter tranquillement et revenir. Parce que Walker, comme on l'a vu dans les vues, c'est un bout de sans jouer du tout. Après ça, vous jouez dans les livres de garage avec des chums, puis vous jouez pour de vrai, c'est pas pareil. C'est pour ça qu'il a tardé à venir entrer. Il insistait bien gros à se mettre en forme et être capable. Là. La propriétaire des Marquis n'est pas fermée du tout à ce que l'équipe vienne jouer un match au concours l'an prochain à Dolbeau-Mistassini ou même à Robertval, comme les Saguenay de Chicoutimi le font. Deux ou trois fois. J'ai même des projets de ça pour Saint-Bruno. Ils sont dit c'est moins loin. Aller voir Adolfo, j'avais l'équipe du Zinc senior dans le temps. On allait voir des matchs locaux là. OK. Vous n'avez aucun problème. On a toujours voyeur à Berval aussi. L'an prochain, ça serait une idée, c'est sûr. On voit de le beau, Robert Val. On termine avec quelques résultats de curling. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans le club au curling à Saint-Félicien. Jean-Léverture défait Pierre Bouchard 12 à 4. Christian Savard 7, Gaston Martel 4. Guy Rousseau 5, Stéphane Séguin 3. André Bergeron 6, André Laforge 4. Et verdict nul de 4 à 4 entre Jean Lamotte et Claude Bilodeau. Je vous invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, je me suis entretenu avec Jonathan Hudon, qui est le journaliste qui suit les activités des Saguenayens, où on commande la transaction qui a envoyé German Roots Off à Batters. Également, on a parlé avec l'instructeur-chef des Castors de Delbeau, Robin Bouliane. Et aussi, vous pouvez écouter l'entrevue que j'ai réalisée aussi hier avec, c'est Michel Tifo qui a réalisé l'entrevue avec Yannick Jean, où on parle de la transaction de German Roots Off. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en occupe.